Chapitre 30. Le cairn. La durée de ce phénomène particulier au climat polaire avait été de 3/4 d'heure. Les ours et les renards eurent le temps d'en prendre à leur aise. Ces provisions arrivaient à point pour remettre ces animaux affamés pendant ce rude hiver. La bâche du traîneau déchirée par des griffes puissantes, les caisses de pemmican ouvertes et défoncées, les sacs de biscuits pillés, les provisions de thé répandues sur la neige, un tonnelet d'esprit de vin aux douves disjointes et vides de son précieux liquide, les effets de campement dispersés, saccagés, tout témoignait de l'acharnement de ces bêtes sauvages, de leur avidité famélique, de leur insatiable voracité. « Voilà un malheur, » dit Bell en contemplant cette scène de désolation. « Et probablement irréparable, » répondit Simpson. « Évaluons d'abord le dégât, » reprit le docteur, « et nous en parlerons après. » Hatteras, sans mot dire, recueillait déjà les caisses et les sacs épars. On ramassa le pemmican et les biscuits encore mangeables. La perte d'une partie de l'esprit de vin était une chose fâcheuse. Sans lui, plus de boissons chaudes, plus de thé, plus de café. En faisant l'inventaire des provisions épargnées, le docteur constata la disparition de 200 livres de pemmican et de 150 livres de biscuits. Si le voyage continuait, il devenait nécessaire aux voyageurs de se mettre à demi-ration. On discuta donc le parti à prendre dans ces circonstances. Devait-on retourner au navire et recommencer cette expédition? Mais comment se décider à perdre ces 150 miles déjà franchis? Revenir sans ce combustible si nécessaire serait d'un effet désastreux sur l'esprit de l'équipage. Trouverait-on encore des gens déterminés à reprendre cette course à travers les glaces? Évidemment, le mieux était de se porter en avant, même au prix des privations les plus dures. Le docteur, Hatteras et Bell étaient pour ce dernier parti. Simpson poussait au retour. Les fatigues du voyage avaient altéré sa santé. Il s'affaiblissait visiblement. Mais enfin, se voyant seul de son avis, il reprit sa place en tête du traîneau et la petite caravane continua sa route au sud. Pendant les 3 jours suivants, du 15 au 17 janvier, les incidents monotones du voyage se reproduisirent. On avançait plus lentement, les voyageurs se fatiguaient, la lassitude les prenait aux jambes, les chiens de l'attelage tiraient péniblement. Cette nourriture insuffisante n'était pas faite pour réconforter bêtes et gens. Le temps variait avec sa mobilité accoutumée, sautant d'un froid intense à des brouillards humides et pénétrants. Le 18 janvier, l'aspect des champs de glace changea soudain. Un grand nombre de pics, semblables à des pyramides, terminés par une pointe aiguë et d'une grande élévation, se dressèrent à l'horizon. Le sol, à certaines places, perçait la couche de neige. Il semblait formé de gneiss, de schiste et de quartz, avec quelque apparence de roche calcaire. Les voyageurs foulaient enfin la terre ferme, et cette terre devait être, d'après l'estimation, ce continent appelé le « Nouveau Cornouailles ». Le docteur ne put s'empêcher de frapper d'un pied satisfait ce terrain solide. Les voyageurs n'avaient plus que 5 miles à franchir pour atteindre le cap Belcher, mais leur fatigue allait singulièrement s'accroître sur ce sol tourmenté, semé de roches aiguës, de ressauts dangereux, de crevasses et de précipices. Il fallait s'enfoncer dans l'intérieur des terres et gravir les hautes falaises de la côte, à travers des gorges étroites dans lesquelles les neiges s'amoncelaient sur une hauteur de 30 à 40 pieds. Les voyageurs vinrent à regretter promptement le chemin à peu près uni, presque facile, des icefields, si propices au glissage du traîneau. Maintenant, il fallait tirer avec force. Les chiens, éreintés, n'y suffisaient plus. Les hommes, forcés de s'atteler près d'eux, s'épuisaient à les soulager. Plusieurs fois, il devint nécessaire de décharger entièrement les provisions pour franchir des monticules extrêmement roides, dont les surfaces glacées ne donnaient aucune prise. Tel passage de 10 pieds demanda des heures entières. Aussi, pendant cette première journée, on gagna 5 miles à peine sur cette terre de Cornouailles, bien nommée assurément, car elle présentait les aspérités, les pointes aiguës, les arêtes vives, les roches convulsionnées de l'extrémité sud-ouest de l'Angleterre. Le lendemain, le traîneau atteignit la partie supérieure des falaises. Les voyageurs, à bout de force, ne pouvant construire leur maison de neige, durent passer la nuit sous la tente, enveloppés dans les peaux de buffle et réchauffant leurs bas mouillés sur leur poitrine. On comprend les conséquences inévitables d'une pareille hygiène. Le thermomètre, pendant cette nuit, descendit plus bas que 44 degrés, moins 42 degrés centigrades, et le mercure gela. La santé de Simpson s'altérait d'une façon inquiétante. Un rhume de poitrine opiniâtre, des rhumatismes violents, des douleurs intolérables, l'obligeaient à se coucher sur le traîneau, qu'il ne pouvait plus guider. Bell le remplaça. Il souffrait, mais ses souffrances n'étaient pas de nature à l'aliter. Le docteur ressentait aussi l'influence de cette excursion par un hiver terrible. Cependant, il ne laissait pas une plainte s'échapper de sa poitrine. Il marchait en avant, appuyé sur son bâton. Il éclairait la route. Il aidait à tout. À Terrasse, impassible, impénétrable, insensible, valide comme au premier jour avec son tempérament de fer, suivait silencieusement le traîneau. Le 20 janvier, la température fut si rude que le moindre effort amenait immédiatement une prostration complète. Cependant, les difficultés du sol devinrent telles que le docteur, à Terrasse et Belle, s'attelèrent près des chiens. Des chocs inattendus avaient brisé le devant du traîneau. On dut le raccommoder. Ces causes de retard se reproduisaient plusieurs fois par jour. Les voyageurs suivaient une profonde ravine engagée dans la neige jusqu'à mi-corps, essuant au milieu d'un froid violent. Ils ne disaient mot. Tout à coup, Belle, placée près du docteur, le regarde avec effroi. Puis, sans prononcer une parole, il ramasse une poignée de neige et en frotte vigoureusement la figure de son compagnon. « Eh bien, Belle, faisait le docteur en se débattant. » Mais Belle continuait et frottait de son mieux. « Voyons, Belle, reprit le docteur, la bouche, le nez, les yeux pleins de neige. Êtes-vous fou? Qu'y a-t-il donc ?»« Il y a, répondit Belle, que si vous possédez encore un nez, c'est à moi que vous le devrez. »« Un nez ?» répliqua le docteur en portant la main à son visage. « Oui, monsieur Claoboni, vous étiez complètement frostbitten. Votre nez était tout blanc quand je vous ai regardé. » Et sans mon traitement énergique, vous seriez privé de cet ornement, incommode en voyage, mais nécessaire dans l'existence. En effet, un peu plus, le docteur avait le nez gelé. La circulation du sang s'étant heureusement refaite à propos, grâce aux vigoureuses frictions de Belle, tout danger disparut. « Merci, Belle, dit le docteur, et à charge de revanche. « J'y compte, monsieur Claoboni, répondit le charpentier, et plût au ciel que nous n'eussions jamais de plus grands malheurs à redouter. « Hélas, Belle, reprit le docteur, vous faites allusion à Simpson. Le pauvre garçon est en proie à de terribles souffrances. »« Craignez-vous pour lui ?» demanda vivement à Terrasse. « Oui, capitaine, reprit le docteur. « Et que craignez-vous ? » ?»« Une violente attaque de scorbut. Ses jambes enflent déjà, et ses gencives se prennent. Le malheureux est là, couché sous les couvertures du traîneau, à demi gelé, et les chocs ravivent à chaque instant ses douleurs. « Je le plains à Terrasse, et je ne puis rien pour le soulager. »« Pauvre Simpson, » murmura Belle. « Peut-être faudrait-il nous arrêter un jour ou deux, » reprit le docteur. « S'arrêter ? » s'écria à Terrasse, « quand la vie de 18 hommes tient à notre retour. »« Cependant, » fit le docteur. « Claoboni, Belle, écoutez-moi, » reprit à Terrasse. « Il ne nous reste pas pour 20 jours de vivre. Voyez si nous pouvons perdre un instant. » Ni le docteur ni Belle ne répondirent un seul mot, et le traîneau reprit sa marche un moment interrompu. Le soir, on s'arrêta au pied d'un monticule de glace dans lequel Belle tailla promptement une caverne. Les voyageurs s'y réfugièrent. Le docteur passa la nuit à soigner Simpson. Le scorbut exerçait déjà sur le malheureux ses affreux ravages, et les souffrances amenaient une plainte continue sur ses lèvres tuméfiées. « Ah, monsieur Claoboni !» « Du courage, mon garçon !» disait le docteur. « Je ne reviendrai pas, je le sens, je n'en puis plus, j'aime mieux mourir. » À ces paroles désespérées, le docteur répondait par des soins incessants. Quoique brisé lui-même des fatigues du jour, il employait la nuit à composer quelques potions calmantes pour le malade. Mais déjà le lame Joyce restait sans action, et des frictions n'empêchaient pas le scorbut de s'étendre peu à peu. Le lendemain, il fallait replacer cet infortuné sur le traîneau, quoiqu'il demandât à rester seul, abandonné, et qu'on le laissât mourir en paix. Puis, on reprenait cette marche effroyable au milieu de difficultés sans cesse accumulées. Les brumes glacées pénétraient ces trois hommes jusqu'aux os. La neige, le grésil, leur fouettaient le visage. Ils faisaient le métier de bêtes de somme et n'avaient pas même une nourriture suffisante. Duke, semblable à son maître, allait et venait, bravant les fatigues, toujours alerte, découvrant par instinct la meilleure route à suivre. On s'en remettait à sa merveilleuse sagacité. Pendant la matinée du 23 janvier, au milieu d'une obscurité presque complète, car la lune était nouvelle, Duke avait pris les devants. Durant plusieurs heures, on le perdit de vue. L'inquiétude prit à terrasse, d'autant plus que de nombreuses traces d'ours sillonnaient le sol. Il ne savait trop quel parti prendre quand des aboiements se firent entendre, avec force. Atterras hâta la marche du traîneau et bientôt il rejoignit le fidèle animal au fond d'une ravine. Duke, en arrêt, immobile, comme s'il eût été pétrifié, aboyait devant une sorte de cairn, fait de quelques pierres à chaud recouvertes d'un ciment de glace. Cette fois, dit le docteur, en détachant ses courroies, c'est un cairn, il n'y a pas à s'y tromper. Que nous importe, répondit Atterras. Atterras, si c'est un cairn, il peut contenir un document précieux pour nous. Il renferme peut-être un dépôt de provisions, et cela vaut la peine d'y regarder. Et quel Européen aurait poussé jusqu'ici ? Fit Atterras en haussant les épaules. Mais, à défaut d'Européens, répliqua le docteur, les Esquimaux n'ont-ils pu faire une cachette en cet endroit et y déposer les produits de leur pêche et de leur chasse ? C'est assez leur habitude, ce me semble. Eh bien, voyez, Klaoboni, répondit Atterras, mais je crains bien que vous n'en soyez pour vos peines. Klaoboni et Bell, armés de pioches, se dirigeaient vers le cairn. Dieu continuait d'aboyer avec fureur. Les pierres à chaud étaient fortement cimentées par la glace, mais quelques coups ne tardèrent pas à les éparpiller sur le sol. « Il y a évidemment quelque chose, » dit le docteur. « Je le crois, » répondit Bell. Ils démolirent le cairn avec rapidité. Bientôt, une cachette fut découverte. Dans cette cachette se trouvait un papier tout humide. Le docteur s'en empara, le cœur palpitant. Atterras accourut, prit le document et lut « Altam, Purpoise, 13 décembre 1860, 12 degrés longue, 8 degrés, 35 minutes lat. » « Le Purpoise ?» dit le docteur. « Le Purpoise ?» répéta Atterras. « Je ne connais pas de navire de ce nom à fréquenter ces mers. » « Il est évident, » reprit le docteur, « que des navigateurs, des naufragés peut-être, ont passé là depuis moins de 2 mois. »« Cela est certain, » répondit Bell. « Qu'allons-nous faire ?» demanda le docteur. « Continuez notre route, » répondit froidement Atterras. « Je ne sais ce qu'est ce navire, le Purpoise, mais je sais que le brick, le Forward, attend notre retour. » Chapitre 31 La mort de Simpson. Le voyage fut repris. L'esprit de chacun s'emplissait d'idées nouvelles et inattendues, car une rencontre dans cette ère boréale est l'événement le plus grave qui puisse se produire. Atterras fronçait le sourcil avec inquiétude. « Le Purpoise ? » se demandait-il. « Qu'est-ce que ce navire ? Et que vient-il faire si près du pôle ?» À cette pensée, un frisson le prenait en dépit de la température. Le docteur et Bell, eux, ne songeaient qu'aux deux résultats que pouvait amener la découverte de ce document, sauver leurs semblables ou être sauvés par eux. Mais les difficultés, les obstacles, les fatigues revinrent bientôt, ils ne durent songer qu'à leur propre situation, si dangereuse alors. L'état de Simpson empirait. Les symptômes d'une mort prochaine ne purent être méconnus par le docteur. Celui-ci n'y pouvait rien. Il souffrait cruellement lui-même d'une ophtalmie douloureuse qui pouvait aller jusqu'à la cécité s'il n'y prenait garde. Le crépuscule donnait alors une quantité suffisante de lumière, et cette lumière, réfléchie par les neiges, brûlait les yeux. Il était difficile de se protéger contre cette réflexion, car les verres des lunettes se revêtant d'une croûte glacée devenaient opaques et interceptaient la vue. Or, il fallait veiller avec soin aux moindres accidents de la route et les relever du plus loin possible. Force était donc de braver les dangers de l'ophtalmie. Cependant, le docteur et Bell, se couvrant les yeux, laissaient tour à tour à chacun d'eux le soin de diriger le traîneau. Celui-ci glissait mal sur ses châssis usés. Le tirage devenait de plus en plus pénible. Les difficultés du terrain ne diminuaient pas. On avait affaire à un continent de nature volcanique, hérissé et sillonné de crêtes vives. Les voyageurs avaient dû peu à peu s'élever à une hauteur de 1500 pieds pour franchir le sommet des montagnes. La température était la plus âpre. Les rafales et les tourbillons s'y déchaînaient avec une violence sans égale, et c'était un triste spectacle que celui de ces infortunés se traînant sur ces cimes désolées. Ils étaient pris aussi du mal de la blancheur. Cet éclat uniforme écœurait, il enivrait, il donnait le vertige. Le sol semblait manquer et n'offrirent aucun point fixe sur cette immense nappe. Le sentiment éprouvé était celui du roulis pendant lequel le pont du navire fuit sous le pied du marin. Les voyageurs ne pouvaient s'habituer à cet effet et la continuité de cette sensation leur portait à la tête. La torpeur s'emparait de leurs membres, la somnolence de leur esprit, et souvent ils marchaient comme des hommes à peu près endormis. Alors un chaos, un heurt inattendu, une chute même, les tirait de cette inertie qui les reprenait quelques instants plus tard. Le 25 janvier, ils commencèrent à descendre des pentes abruptes. Leurs fatigues s'accrurent encore sur ces déclivités glacées. Un faux pas, bien difficile à éviter, pouvait les précipiter dans des ravins profonds, et là, ils eussent été perdus, sans ressources. Vers le soir, une tempête d'une violence extrême balaya les sommets neigeux. On ne pouvait résister à la violence de l'ouragan. Il fallait se coucher à terre. Mais la température étant fort basse, on risquait de se faire geler instantanément. Bell, aidé d'Hatteras, construisit avec beaucoup de peine une snow house dans laquelle les malheureux cherchèrent un abri. Là, on prit quelques pincées de pemmican et un peu de thé chaud. Il ne restait pas 4 gallons d'esprit de vin. Or, il était nécessaire d'en user pour satisfaire la soif, car il ne faut pas croire que la neige puisse être absorbée sous sa forme naturelle. On est forcé de la faire fondre. Dans les pays tempérés où le froid descend à peine au-dessous du point de congélation, elle ne peut être malfaisante. Mais au-delà du cercle polaire, il en est tout autrement. Elle atteint une température si basse qu'il n'est pas plus possible de la saisir avec la main qu'un morceau de fer rougi à blanc, et cela, quoiqu'elle conduise très mal la chaleur. Il y a donc entre elle et l'estomac une différence de température telle que son absorption produit une suffocation véritable. Les Esquimaux préfèrent endurer les plus longs tourments à se désaltérer de cette neige, qui ne peut aucunement remplacer l'eau et augmente la soif au lieu de l'apaiser. Les voyageurs ne pouvaient donc étancher la leur qu'à la condition de fondre la neige en brûlant l'esprit de vin. À 3 heures du matin, au plus fort de la tempête, le docteur prit le quart de veille. Il était accoudé dans un coin de la maison quand une plainte lamentable de Simpson appela son attention. Il se leva pour lui donner ses soins, mais en se levant, il se heurta fortement la tête à la voûte de glace. Sans se préoccuper autrement de cet incident, il se courba sur Simpson et se mit à lui frictionner ses jambes enflées et bleuâtres. Après un quart d'heure de ce traitement, il voulut se relever et se heurta la tête une seconde fois, bien qu'il fût agenouillé alors. « Voilà qui est bizarre, » se dit-il. Il porta la main au-dessus de sa tête, la voûte baissait sensiblement. « Grand Dieu ! » s'écria-t-il. « Alerte, mes amis !» À ces cris, Hatteras et Bell se relevèrent vivement et se heurtèrent à leur tour. Ils étaient dans une obscurité profonde. « Nous allons être écrasés, » dit le docteur. « Au dehors, au dehors !» Et tous les trois, traînant Simpson à travers l'ouverture, ils quittèrent cette dangereuse retraite. Il était temps, car les blocs de glace mal assujettis s'effondrèrent avec fracas. Les infortunés se trouvaient alors sans abri au milieu de la tempête, saisis par un froid d'une rigueur extrême. Hatteras se hâta de dresser la tente. On ne put la maintenir contre la violence de l'ouragan, et il fallut s'abriter sous les plis de la toile qui fut bientôt chargée d'une couche épaisse de neige. Mais au moins cette neige, empêchant la chaleur de rayonner au dehors, préserva les voyageurs d'être gelés vivants. Les rafales ne cessèrent pas avant le lendemain. En attelant les chiens insuffisamment nourris, Bell s'aperçut que 3 d'entre eux avaient commencé à ronger leur courroie de cuir. 2 paraissaient fort malades et ne pouvaient aller loin. Cependant, la caravane reprit sa marche tant bien que mal. Il restait encore 60 miles à franchir avant d'atteindre le point indiqué. Le 26, Bell, qui allait en avant, appela tout à coup ses compagnons. Ceux-ci accoururent, il leur montra d'un air stupéfait un fusil appuyé sur un glaçon. « Un fusil ! » s'écria le docteur. Hatteras le prit, il était en bon état et chargé. « Les hommes du Porpoise ne peuvent être loin, » dit le docteur. Hatteras, en examinant l'arme, remarqua qu'elle était d'origine américaine. Ses mains se crispèrent sur le canon glacé. « en route !» dit-il d'une voix sourde. On continua de descendre la pente des montagnes. Simpson paraissait privé de tout sentiment. Il ne se plaignait plus, la force lui manquait. La tempête ne discontinuait pas. La marche du traîneau devenait de plus en plus lente. On gagnait à peine quelques miles par 24 heures, et malgré l'économie la plus stricte, les vivres diminuaient sensiblement. Mais tant qu'il en restait au-delà de la quantité nécessaire au retour, Hatteras marchait en avant. Le 27, on trouva presque enfoui sous la neige un sextant, puis une gourde. Celle-ci contenait de l'eau-de-vie, ou plutôt un morceau de glace au centre duquel tout l'esprit de cette liqueur s'était réfugié sous la forme d'une boule de neige. Elle ne pouvait plus servir. Évidemment, la Terra suivait sans le vouloir les traces d'une grande catastrophe. Il s'avançait par le seul chemin praticable, ramassant les épaves de quelques naufrages horribles. Le docteur examinait avec soin si de nouveaux cairns ne s'offriraient pas à sa vue, mais en vain. De tristes pensées lui venaient à l'esprit. En effet, s'il découvrait ces infortunés, quel secours pourrait-il leur apporter ? Ses compagnons et lui commençaient à manquer de tout. Leurs vêtements se déchiraient, les vivres devenaient rares. Que ces naufragés fussent nombreux et ils périssaient tous de faim. La Terra semblait portée à les fuir. N'avait-il pas raison, lui sur qui reposait le salut de son équipage ? Devait-il, en ramenant des étrangers à bord, compromettre la sûreté de tous ? Mais ces étrangers, c'étaient des hommes, leurs semblables, peut-être des compatriotes. Si faible que fût leur chance de salut, devait-on la leur enlever ? Le docteur voulut connaître la pensée de Belle à cet égard. Belle ne répondit pas. Ses propres souffrances lui endurcissaient le cœur. Clawbonny n'osa pas interroger Hatteras. Il s'en rapporta donc à la Providence. Le 27 janvier, vers le soir, Simpson parut être à toute extrémité. Ses membres déjà roidis et glacés, sa respiration haletante qui formait un brouillard autour de sa tête, des soubresauts convulsifs, annonçaient sa dernière heure. L'expression de son visage était terrible, désespérée, avec des regards de colère impuissante adressés au capitaine. Il y avait là toute une accusation, toute une suite de reproches muets, mais significatifs, mérités peut-être. Hatteras ne s'approchait pas du mourant. Il l'évitait, il le fuyait, plus taciturne, plus concentré, plus rejeté en lui-même que jamais. La nuit suivante fut épouvantable. La tempête redoublait de violence. Trois fois la tente fut arrachée et le drift de neige s'abattit sur ces infortunés, les aveuglant, les glaçant, les perçant de dards aigus arrachés aux glaçons environnants. Les chiens hurlaient lamentablement. Simpson restait exposé à cette cruelle température. Belle parvint à rétablir le misérable abri de toile qui, s'il ne défendait pas du froid, protégeait au moins contre la neige. Mais une rafale plus rapide l'enleva une quatrième fois et l'entraîna dans son tourbillon au milieu d'épouvantables sifflements. « Ah, c'est trop souffrir !» s'écria Belle. « du courage !» répondit le docteur en s'accrochant à lui pour ne pas être roulé dans les ravins. Simpson râlait. Tout à coup, par un dernier effort, il se releva à demi, tendit son poing fermé vers Hatteras, qui le regardait de ses yeux fixes, poussa un cri déchirant et retomba mort au milieu de sa menace inachevée. « Mort !» s'écria le docteur. « Mort !» répéta Abel. Hatteras, qui s'avançait vers le cadavre, recula sous la violence du vent. C'était donc le premier de cet équipage qui tombait frappé par ce climat meurtrier, le premier à ne jamais revenir au port, le premier à payer de sa vie, après d'incalculables souffrances, l'entêtement intraitable du capitaine. Ce mort l'avait traité d'assassin, mais Hatteras ne courba pas la tête sous l'accusation. Cependant, une larme, glissant de sa paupière, vint se congeler sur sa joue pâle. Le docteur et Belle le regardaient avec une sorte de terreur. Arc-bouté sur son long bâton, il apparaissait comme le génie de ces régions hyperboréennes, droit au milieu des rafales surexcitées et sinistre dans son effrayante immobilité. Il demeura debout, sans bouger, jusqu'aux premières lueurs du crépuscule, hardi, tenace, indomptable, et semblant défier la tempête qui mugissait autour de lui. Chapitre 32. Le retour au Forward. Le vent se calma vers 6 heures du matin, et passant subitement dans le nord, il chassa les nuages du ciel. Le thermomètre marquait 33 degrés au-dessous de zéro, moins 37 degrés centigrades. Les premières lueurs du crépuscule argentaient cet horizon qu'elle devait dorer quelques jours plus tard. Hatteras vint auprès de ses deux compagnons abattus, et d'une voix douce et triste, il leur dit « Mes amis, plus de 60 miles nous séparent encore du point signalé par Sir Edward Belcher. Nous n'avons que le strict nécessaire de vivre pour rejoindre le navire. Aller plus loin, ce serait nous exposer à une mort certaine, sans profit pour personne. Nous allons retourner sur nos pas. » « C'est la bonne résolution, Hatteras, répondit le docteur. « Je vous aurais suivi jusqu'où il vous eût plu de me mener, mais notre santé s'affaiblit de jour en jour. À peine pouvons-nous mettre un pied devant l'autre. J'approuve complètement ce projet de retour. » « Est-ce également votre avis, Belle ?» demanda Hatteras. « Oui, capitaine, » répondit le charpentier. « Eh bien, » reprit Hatteras, « nous allons prendre 2 jours de repos. Ce n'est pas trop. Le traîneau a besoin de réparations importantes. Je pense donc que nous devons construire une maison de neige dans laquelle puissent refaire nos forces. » Ce point décidé, les 3 hommes se mirent à l'ouvrage avec ardeur. Belle prit les précautions nécessaires pour assurer la solidité de sa construction. Et bientôt une retraite suffisante s'éleva au fond de la ravine où la dernière halte avait eu lieu. Hatteras s'était fait sans doute une violence extrême pour interrompre son voyage. Tant de peine, de fatigue perdue, une excursion inutile payée de la mort d'un homme. Revenir à bord sans un morceau de charbon, qu'allait devenir l'équipage? Qu'allait-il faire sous l'inspiration de Richard Shandon? Mais Hatteras ne pouvait lutter davantage. Tous ses soins se reportèrent alors sur les préparatifs du retour. Le traîneau fut réparé, sa charge avait bien diminué d'ailleurs et ne pesait pas 200 livres. On raccommoda les vêtements usés, déchirés, imprégnés de neige et durcis par la gelée. Des mocassins et des snowshoes nouveaux remplacèrent les anciens, mis hors d'usage. Ces travaux prirent la journée du 29 et la matinée du 30. D'ailleurs, les 3 voyageurs se reposaient de leur mieux et se réconfortaient pour l'avenir. Pendant ces 36 heures passées dans la maison de neige et sur les glaçons de la ravine, le docteur avait observé Duke, dont les singulières allures ne lui semblaient pas naturelles. L'animal tournait sans cesse en faisant 1000 circuits imprévus qui paraissaient avoir entre eux un centre commun. C'était une sorte d'élévation, de renflement du sol, produit par différentes couches de glace superposées. Duke, en contournant ce point, aboyait à petit bruit, remuant sa queue avec impatience, regardant son maître et semblant l'interroger. Le docteur, après avoir réfléchi, attribua cet état d'inquiétude à la présence du cadavre de Simpson, que ses compagnons n'avaient pas encore eu le temps d'enterrer. Il résolut donc de procéder à cette triste cérémonie le jour même. On devait repartir le lendemain matin, dès le crépuscule. Belle et le docteur se munirent de pioches et se dirigèrent vers le fond de la ravine. L'éminence signalée par Duke offrait un emplacement favorable pour y déposer le cadavre. Il fallait l'inhumer profondément pour le soustraire à la griffe des ours. Le docteur et Belle commencèrent par enlever la couche superficielle de neige molle, puis ils attaquèrent la glace durcie. Au 3e coup de pioche, le docteur rencontra un corps dur qui se brisa. Il en retira les morceaux et reconnut les restes d'une bouteille de verre. De son côté, Belle mettait à jour un sac racorni dans lequel se trouvaient des miettes de biscuits parfaitement conservées. « Hein ?» fit le docteur. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda Belle en suspendant son travail. Le docteur appela Hatteras qui vint aussitôt. Duke aboyait avec force et de ses pattes, il essayait de creuser l'épaisse couche de glace. « Est-ce que nous aurions mis la main sur un dépôt de provisions ?» dit le docteur. « C'est possible, » répondit Belle. « Continuez, » fit Hatteras. Quelques débris d'aliments furent encore retirés, et une caisse au quart pleine de pémican. « Si c'est une cache, » dit Hatteras, « les ours l'ont certainement visitée avant nous. Voyez, ces provisions ne sont pas intactes. »« Cela est à craindre, » répondit le docteur, car, il n'acheva pas sa phrase, un cri de Belle venait de l'interrompre. Ce dernier, écartant un bloc assez fort, montrait une jambe roide et glacée qui sortait par l'interstice des glaçons. « Un cadavre !» s'écria le docteur. « Ce n'est pas une cache, » répondit Hatteras. « C'est une tombe. » Le cadavre, mis à l'air, était celui d'un matelot d'une 30aine d'années dans un état parfait de conservation. Il portait le vêtement des navigateurs arctiques. Le docteur ne put dire à quelle époque remontait sa mort. Mais, après ce cadavre, Belle en découvrit un second, celui d'un homme de 50 ans, portant encore sur sa figure la trace des souffrances qu'il avait tuées. « Ce ne sont pas des corps enterrés, » s'écria le docteur. « Ces malheureux ont été surpris par la mort, tels que nous les trouvons. »« Vous avez raison, monsieur Claoboni, » répondit Belle. « Continuez, continuez, » disait Hatteras. Belle osait à peine. Qui pouvait dire ce que ce monticule de glace renfermait des cadavres humains? « Ces gens ont été victimes de l'accident qui a failli nous arriver à nous-mêmes, » dit le docteur. « La maison de neige s'est affaissée. Voyons si quelqu'un d'eux ne respire pas encore. » La place fut déblayée avec rapidité, et Bell ramena un troisième corps, celui d'un homme de 40 ans. Il n'avait pas l'apparence cadavérique des autres. Le docteur se baissa sur lui et crut surprendre encore quelques symptômes d'existence. « Il vit !» s'écria-t-il. Bell et lui transportèrent ce corps dans la maison de neige, tandis qu'Hatteras, immobile, considérait la demeure écroulée. Le docteur dépouilla entièrement le malheureux exhumé. Il ne trouva sur lui aucune trace de blessure. Aidé de Bell, il le frictionna vigoureusement avec des étoupes imbibées d'esprit de vin. Il sentit peu à peu la vie renaître en lui. Mais l'infortuné était dans un état de prostration absolue et complètement privé de la parole. Sa langue adhérait à son palais comme gelée. Le docteur chercha dans les poches de ses vêtements, elles étaient vides. Donc pas de documents. Il laissa Bell continuer ses frictions et revint vers Hatteras. Celui-ci, descendu dans les cavités de la maison de neige, avait fouillé le sol avec soin et remontait en tenant à la main un fragment à demi brûlé d'une enveloppe de lettres. On pouvait encore y lire ces mots: Tamont, Orpois, W. York. Altamont, s'écria le docteur, du navire le Porpoise, de New York. Un Américain, fit Hatteras en tressaillant. Je le sauverai, dit le docteur, j'en réponds, et nous saurons le mot de cette épouvantable énigme. Il retourna près du corps d'Altamont, tandis qu'Hatteras demeurait pensif. Grâce à ses soins, le docteur parvint à rappeler l'infortuné à la vie, mais non au sentiment. Il ne voyait, ni n'entendait, ni ne parlait, mais enfin, il vivait. Le lendemain matin, Hatteras dit au docteur, « Il faut cependant que nous partions. »« Partons, Hatteras, le traîneau n'est pas chargé. Nous y transporterons ce malheureux et nous le ramènerons au navire. »« Faites, » dit Hatteras, « mais auparavant, ensevelissons ces cadavres. » Les deux matelots inconnus furent replacés sous les débris de la maison de neige. Le cadavre de Simpson vint remplacer le corps d'Altamont. Les trois voyageurs donnèrent, sous forme de prière, un dernier souvenir à leurs compagnons, et, à 7 heures du matin, ils reprirent leur marche vers le navire. Deux des chiens d'attelage étant morts, Duke vint de lui-même s'offrir pour tirer le traîneau. Il le fit avec la conscience et la résolution d'un Groenlandais. Pendant 20 jours, du 31 janvier au 19 février, le retour présenta à peu près les mêmes péripéties que l'aller. Seulement, dans ce mois de février, le plus froid de l'hiver, la glace offrit partout une surface résistante. Les voyageurs souffrirent terriblement de la température, mais non des tourbillons et du vent. Le soleil avait reparu pour la première fois depuis le 31 janvier. Chaque jour, il se maintenait davantage au-dessus de l'horizon. Bell et le docteur étaient au bout de leurs forces, presque aveugles et à demi éclopés. Le charpentier ne pouvait marcher sans béquille. Altamont vivait toujours, mais dans un état d'insensibilité complète. Parfois, on désespérait de lui, mais des soins intelligents le ramenaient à l'existence. Et cependant, le brave docteur aurait eu grand besoin de se soigner lui-même, car sa santé s'en allait avec les fatigues. Hatteras songeait au Forward, à son brick. Dans quel état allait-il le retrouver? Que se serait-il passé à bord? Johnson aurait-il pu résister à Shandon et aux siens? Le froid avait été terrible. Avait-on brûlé le malheureux navire? Ses mâts, sa carène, étaient-ils respectés? En pensant à tout cela, Hatteras marchait en avant comme s'il eût voulu voir son Forward de plus loin. Le 24 février au matin, il s'arrêta subitement. À 300 pas devant lui, une lueur rougeâtre apparaissait, au-dessus de laquelle se balançait une immense colonne de fumée noirâtre qui se perdait dans les brumes grises du ciel. « Cette fumée ! » s'écria-t-il. Son cœur battit à se briser. « Voyez là-bas cette fumée ! » dit-il à ses deux compagnons qui l'avaient rejoint. « Mon navire brûle !»« Mais nous sommes encore à plus de 3 miles de lui !» repartit Bell. « Ce ne peut être le Forward !»« Si !» répondit le docteur. « C'est lui. Il se produit un phénomène de mirage qui le fait paraître plus rapproché de nous. « Courons !» s'écria Hatteras en devançant ses compagnons. Ceux-ci, abandonnant le traîneau à la garde de Duke, s'élancèrent rapidement sur les traces du capitaine. Une heure après, ils arrivaient en vue du navire. Spectacle horrible. Le brick brûlait au milieu des glaces qui se fondaient autour de lui. Les flammes enveloppaient sa coque et la brise du sud rapportait à l'oreille d'Hatteras des craquements inaccoutumés. À 500 pas, un homme levait les bras avec désespoir. Il restait là, impuissant, en face de cet incendie qui tordait le forward dans ses flammes. Cet homme était seul. Et cet homme, c'était le vieux Johnson. Atterras courut à lui. « mon navire !» demanda-t-il d'une voix altérée. « Vous, capitaine ?» répondit Johnson. « Vous, arrêtez, pas un pas de plus !»« Eh bien ?» demanda Atterras avec un terrible accent de menace. « Les misérables !» répondit Johnson, parti depuis 48 heures après avoir incendié le navire. « Malédiction !» s'écria Atterras. Alors, une explosion formidable se produisit, la terre trembla, les icebergs se couchèrent sur le champ de glace, une colonne de fumée alla s'enrouler dans les nuages, et le forward, éclatant sous l'effort de sa poudrière enflammée, se perdit dans un abîme de feu. Le docteur et Bell arrivaient en ce moment auprès d'Atterras. Celui-ci, abîmé dans son désespoir, se releva tout d'un coup. « Mes amis, dit-il d'une voix énergique, les lâches ont pris la fuite. Les forts réussiront. Johnson, Bell, vous avez le courage. Docteur, vous avez la science. Moi, j'ai la foi. Le pôle Nord est là-bas. À l'œuvre, donc. À l'œuvre. » Les compagnons d'Atterras se sentirent renaître à ces mâles paroles. Et cependant, la situation était terrible pour ces quatre hommes et ce mourant. Abandonnés, sans ressources, perdus, seuls, sous le 80e degré de latitude, au plus profond des régions polaires. Fin de la première partie.